sont parvenus vivés, les écrans énervés, tout le monde l'a blé chômé, commandé la nouillé, ces sont parvenus vivés, les écrans énervés, tout le monde l'a blé chômé, commandé la nouillé. Ces hommes balvés nuivés, des aigrons énervés, tout le monde l'a blé chômé, commandé la nouillé. Ces hommes balvés nuivés, des aigrons énervés, tout le monde l'a blé chômé, commandé la nouillé. Yo commandé la nouillé, yo commandé la nouillé, yo commandé la nouillé, yo commandé la nouillé. Yo camareo la lano, yeah. Oh. Oh, la la, no fatigue, no bien joué. Yo cherche, no.